nouvelle considération, la plus qu'une obsession. Sauver la planète, mettre fin au mal-être. Pour cela, comment faire, se bouger le derrière. S'appuyant sur la science, bousculer les consciences. Comment tout changer, pour ça faut décider. Mais comment décider, pour ça faut diriger. Mais comment diriger, pour ça faut être friqué. Mais comment être friqué, pour ça il faut polluer. Serait-ce les plus riches qui polluent la planète? Serait-ce les plus friqués qui tuent les moins aisés? Trêve d'amalgame, chacun apportant son âme. Un trait d'aristocrate qui chaque jour nous condamne. Sans jamais se soucier des catastrophes passées et bien sûr de l'après. Et pour se faire entendre parmi tous ces méandres, il faut savoir choquer ce monde paralysé. Mais comment choquer des gens si habitués? Mais comment brusquer des gens tellement blasés? Au sein d'un forêt bas, plus loin de propriété, ou écouter les prêtres pour faire taire tous les mal-êtres. Serait-ce les plus riches qui polluent la planète? Serait-ce les plus friqués qui tuent les moins aisés? Trêve d'amalgame, chacun apportant son âme. Un trait d'aristocrate qui chaque jour nous condamne. Qui chaque jour nous condamne. La solution est en chacun de nous. Bouger ou accepter un futur râpé aux égouts. La planète peut renaître mais aussi disparaître. Nous n'en sommes pas les maîtres, changeons notre façon d'être. Changeons notre façon d'être. Changeons notre façon d'être. Changeons notre façon d'être. Changeons notre façon d'être. Changeons notre façon d'être.